Section 28 de La Lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 3e. Section 28. Les vins de France, par Charles Moncelet. Il est une heure où se rencontrent tous les grands vins dans un festin. Heure fraternelle où se montrent le Laffitte et le Chambertin. Plus de querelles à cette heure entre ces vaillants compagnons, plus de discorde intérieure entre Gascons et Bourguignons. On fait trêve à l'humeur rivale, on éteint l'esprit de parti. L'appétit veut cet intervalle, cette heure est l'heure du rôti. Comme aux réceptions royales que virent les deux Trianon, circulent à travers les salles ceux qui portent les plus beaux noms. À des gentilshommes semblables, et non moins armoriés qu'eux, les grands vins, aux airs agréables, échangent des saluts pompeux. Ils ont dépouillé leurs astuces, tout en conservant leur cachet. Passez, monsieur de l'Ursalus, après vous, mon cher Montrachet. Pomard, en souriant, regarde glisser le doux brame mouton. Nul ne dit à la tour, prends garde, pas même le bouillant Corton. Volney raconte ses ruines au digne Saint-Émilion, qu'il entretient de ses ravines et des grottes de Pétillon. Jamais les vieilles Tuileries, dans leurs soirs les plus radieux, ne virent sous leurs boiseries hôtes plus cérémonieux. On cherche le feutre à panache sur le bouchon de celui-ci, et sous la basque qui la cache, l'épée en acier amincie. Voici Monsieur de Léoville qui s'avance en habit brodé, et qui, d'une façon civile, par Chablis se voit aborder. Musigny, que d'orgueil on taxe, dit à Saint-Estèphe, Pardieu, j'étais chez Maurice de Saxe, quand vous étiez chez Richelieu. Moi, sans que personne s'en blesse, j'ai, dit Monsieur de Sillery, conquis mes lettres de noblesse au souper de la Dubarry. Sans chercher si loin mon baptême, prophète chez moi, dit Margot, à la duchesse d'Angoulême, j'ai fait les honneurs de Bordeaux. Le jeune et rougissant Montrose, ayant quitté pour un instant le bras de son tuteur La Rose, jette un regard inquiétant et cherche, vierge enfrisonnée, rouge comme un coquelicot, mademoiselle Romanée auprès de la veuve Cliquot. Certaine d'être bien lotie, malgré son air un peu tremblant, dans un coin la côte rôtie sourit à l'ermitage blanc. Il en est du temps des comètes qui, dépouillées, usées, fanées, sont dans des fauteuils à roulettes respectueusement traînés. Un tel, souffrant qu'on le décante, fat dans sa fraise de cristal, « Ah, dit-il, plus d'une bacchante m'aima dans le palais royal. À ce rendez-vous pacifique, aucun ne manque, ils sont tous là. Oh, le spectacle magnifique! Oh, le resplendissant gala! Et quel bel exemple nous donnent ces vins dans leur rare fierté! Qui s'acceptent et se pardonnent leur triomphante égalité. Fin de la section 28.